cours numéro 25. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wal'aqibatu lil-muttaqin wa la'udwana illa ala al-zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. قال العلامة الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه فصل في ذكر الأحاديث الواردة في هجر أهل البدع. Le dernier chapitre de cette risale sur أهل البدع. الشيخ رحمه الله dans cette risale تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران. Donc il a cité ما يتعلق بالولاء والبراء et الهجر en trois parties. La première partie sur les koufars, et wallahi alhamd, on l'a étudié ensemble. La deuxième partie sur al-usa min al-mu'minin, al-fussaq, les croyants qui ont une faiblesse de foi et ça les pousse à faire des péchés. Est-ce qu'il faut les aimer, est-ce qu'il faut les détester, est-ce qu'il faut leur faire le hajj, les boycotter, tout ça on l'a vu ensemble. La dernière partie sur ahlul bid'ah. Et avant de lire, la'bud min tanbihat muhimma. ففي هذا الفصل بسيتي دي أحاديث دي آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن الأئمة رحمة الله عليهم. Et on doit savoir, et vous savez, ولله الحمد, أن ليس كل من وقع في بدعة أنه مبتدع. أن بعض الناس يقرؤون مثل هذا الكلام, كلام قوي عن الأئمة, يطبقونه ظلما وعدوانا على إخوانهم. فليس كل من وقع في شيء من المخالفات أو une بدعة أو il est pas d'accord avec toi أنه خلاص c'est un منحرف c'est un مبتدع. لا الكلام هنا il est في أهل البدع. أما ton frère s'il est pas d'accord avec toi dans une مسألة faut voir c'est quoi cette مسألة qui c'est qu'à الحق. أما أهل البدع c'est أهل البدع. Et كذلك أن هذه الأمور ça revient à أهل العلم. C'est pas tout le monde qui dit Foulain c'est un moubtadi', tout le monde on applique ce qu'on va lire ensemble, si c'est un moubtadi', donc on a vu qu'il fallait lui faire le hadj, on lui fait le hadj. Tout ça, ça a causé des énormes fitnes. Enfin, ton frère, si c'est un frère à la sunna, enfin, alhamdulillah, l'asl c'est que c'est un sunni. Tant qu'il n'y a pas une chose qui le fait sortir de sunna, enfin, le moubtadi', c'est qui? C'est celui qui khalif un asl min usul, ahl sunna. Amma une erreur, ou une faiblesse de foi. أو يتخالف بعض الناس c'est très très grave لأنهم يرمون بعض الإخوة بالابتداع بالانحراف alors que c'est des مسائل خلافية entre أهل العلم. هذا c'est très très grave, c'est من الغلو, هذا c'est مذموم, c'est من أوصاف أهل البدع. Ils accusent les autres de مبتدع dégaré, et في الحقيقة c'est eux qui ont des caractéristiques de أهل البدع. فالإنسان يحذر, c'est pas simple de dire à ton frère كافر. C'est très très grave. Celui qui dit kafir et son frère, c'est pas un kafir, ça revient sur lui. Et si c'est pas un kafir, ça revient sur celui qui l'a dit. Ça c'est un hadith al-wa'id, comme on t'a dit. C'est pas simple de dire d'un frère, c'est un mubtadi'. Le fait que c'est plus un sunni, il est plus à la sunna, ça va avoir des conséquences très très graves. Min hajr, etc. Donc, l'insan. Et tant que c'est ton frère, il est à la sunna, خاصة s'il écoute et il veut le khayr, فلا تستعجل. بعض الناس كأنهم يفرحون de faire sortir certaines personnes de sunna. Si on cadre vraiment qu'un sunni, ça devient un munharif, un mubtadi', ça nous réjouit pas, nous. C'est un frère qui s'est égaré. Là, chacun, ça nous réjouit pas, là. Si un frère il s'égare, c'est une musaiba. Enfin, tant qu'on peut montrer, khasatan, on répète, si le frère il écoute, walillahi l'hamd, et khasatan, si on a les mêmes maraji', le frère il aime le Coran, il aime le sunna, il aime ulama sunna, alhamdulillah. Il n'a pas compris aujourd'hui, il comprendra demain. Et on essaye de lui montrer l'imam, on vit à une époque de dhaaf. On n'est pas à l'époque des salaf. On est à une époque de dhaaf. Ce frère, rubama, si on ne patiente pas sur lui et on a un mauvais comportement, rubama yadhi'. Les kuffars, ils ont des afkars propagés. Ahlul bid'a, كذلك. Que ce soit le Rawafid, que ce soit le Soufiya, que ce soit l'Ikhwan, que ce soit le Mu'tazila, l'Asha'ira. Leurs afkars, ils sont propagés. Et ils haribouna ahl sunnah. On est dans une époque de dha'af. Ne pas comparer une époque de quwwa avec une époque de dha'af. C'est pour ça que كثير من الآثار qu'on va lire, c'est à l'époque des salaf et sunna les tadhahira qawiyya. Fi jami'a buldan al-muslimin, l'asl c'était sunna. Et ahlul bid'a ils étaient dha'afa. C'est pour ça que كثير من a'immat al-salaf, vous allez entendre al-mawaqif al-qawiyya qu'ils avaient. Amma anta, tu es dans une ville. Ba'd al-ikhwa, ils sont deux ou trois dans une ville. C'est eux le jama'a dans la ville. Et ils sont entourés par des kuffars, ceux qui vivent fi bilad al-kufr, par des mubtadi'a. Ba'dhum c'est des zanadiqa, yadan billah, yat'anuna fi ad-din, au nom du din. Ils sont entourés kadalik par des awam, des ignorants, qui connaissent pas grand-chose masakin de leur din. Et tu trouves nos trois frères, harbun baynahum. Harbun est si infaibli, et ils le rejettent, rubbama. Et yadan billah, ça devient la proie des autres groupes, al-kafara, wal-mubtadi'a et al-juhal. Alors que c'est pas des masaïl qui permettent de faire cela. Ça veut pas dire que si wahad yanharif et on n'est pas beaucoup, on est fidhaf et on l'accepte malgré son inhiraf. Ah, si il s'égare, il s'égare. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Lakin on parle nahnu, s'il y a moyen de l'aider, lui montrer, et ça nous fait pas de mal. Et al-khilaf, ça reste un khilaf, rubama, akhtalafu fi hadhihi al-mas'ala, les savants de la sunna, fala nasta'jil. La nasta'jil al-shidda, qui n'est pas bien placée, il n'y a pas de khayr. Wa ma kana ar-rifq fi shay' illa zana. La douceur, c'est tayyib. Et ahyanan, bien sûr, il faut avoir de la quwwa, il faut avoir un mawqif. Il faut, bien sûr, respecter nos principes de la sunna. Lakin, on ferme les portes à l'exagération. Hada, c'est muhim. C'est muhim. Il faut faire attention, ne pas appliquer مثل هذه النقولات sur un sunni. Un sunni, il a du khayr, même si il te khalaf, on regarde c'est quoi. Comme min al-nas, il pense que c'est son frère qui a tort, alors que c'est lui qui a tort. Et alhamdulillah, on a des savants, on revient aux savants, et billatihi ahsan, et celui qui s'égare, son égarement, il apparaîtra, et après, alhamdulillah, celui qui s'égare, il se fait du mal qu'à lui. فهذا تنبيه مهم. قال فصل في ذكر الأحاديث الواردة في هجر أهل البدع. قال أبو داود في سننه حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, il a commencé par ce hadith. Limada, il y en a bien sûr, c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Avant de citer les paroles des compagnons et des imams de la sunna, il a commencé par les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a commencé par ce hadith sur Al-Qadariya. Limada, lianna, le lafd il est sarih fil hajr. In maridu, si tombe malade, Al-Qadariya c'est un groupe égaré, ils se sont égarés dans le domaine du qadar. Et walillahi alhamd, on a étudié cette secte avec Al-Jabriya dans notre série de cours sur les sectes en islam. Fahaoula, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés majous, hadhihi al-umma. Limadha li anna al-majous, yaqulouna, annahu ya deux créateurs. Le créateur de la lumière, al-nour wa al-zulma, et de l'obscurité. Ça c'est min aqaid ba'd al-majus. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a comparé huna al-qadariya au majus. C'est pour ça il a dit al-qadariya majus hadi al-umma li anna al-qadariya wa ba'dhum yaqulun anna Allah subhanahu wa ta'ala il a pas créé char. Fa yuthbituna plusieurs créateurs. Hada al-wajh, le fait de comparer al-qadariya au majus. Thumma ash-shahid qala in maridu fala ta'uduhum, si tombe malade ne leur rendez pas visite. Hada c'est min al-hajr. Wa illa fa muslim, quand il tombe malade, as-sunna c'est de lui rendre vos visites. Qal wa in matu fala tashhaduhum, ay n'assistez pas s'ils meurent, n'assistez pas à leur janaza. Et kadhalik, ça c'est min al-hajr. Cheikh Hamoud il a commencé par hadha al-hadith. Et hadha al-hadith fihi dha'f. Lakin kama bayyana al-imam al-Albani et d'autres, anna majmou' at-turuq qu'on va lire, Il a cité, vous allez voir, beaucoup de chaînes de transmission sur le hadith. Et il a cité كذلك des hadiths qui ressemblent à هذا. Enfin, toutes ces chaînes de transmission et tous ces mutun et tous ces hadiths, le haqiqa, ils se renforcent les uns les autres. Fali hada as-sahih, c'est que ce hadith il est thabit. Il est sahih ou hasan. Et on va lire كلام الشيخ الألباني ربما في الحاشية. نعم قال وحسنه الإمام الألباني. نعم ثم قال والقدرية هم الذين يقولون الخير من الله والشر من الإنسان إلى آخره. Donc الشيخ الألباني لحسن ce hadith et c'est ça الصواب لأن il y a beaucoup de chaînes de transmission. On va les lire ensemble. قال رواه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر أحمد بن سليمان ابن الحسن الفقيه قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال أو فذكره أي ذكر الحديث ثم قال هذا donc il a cité une deuxième chaîne de transmission هنا du livre المستدرك de الحاكم ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم عن من ابن عمر ولم يخرج أما أنه إلي على الشرط البخاري ومسلم هذا فيه نظر الإمام الحاكم رحمة الله عليه العلماء ils ont démontré qu'il a du tasahul في هذا beaucoup de hadith qu'il a cité في المستدرك المستدرك c'est المستدرك على الصحيحين c'est un livre qu'il a écrit رحمة الله عليه pour montrer que les hadith qu'il a cité dans son livre أي الحاكم في الحقيقة البخاري et مسلم les deux imams dans leur recueil الصحيحين ces hadiths ils avaient la place c'est sous les conditions de l'imam Bukhari ou de Muslim donc c'est des hadiths ils sont au niveau de Sahihain pour lui ou ils ont leurs conditions mais les ulama ils ont démontré dans le livre l'imam al-Hakim Tassahala كثيراً يقول أن الحديث il est sous les conditions de Bukhari et Muslim et al-Sahih c'est que là قال ووافقه الذهبي في تلخيصه وقال المنذري هذا منقطع أبو حازم سلمة أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت انتهى نعم هذا القول لأقرب الإمام المنذر رحمه الله il a démontré que cette chaîne de transmission الآن أبو حازم عن ابن عمر il y a une coupure أبو حازم il n'a pas entendu عن ابن عمر فهذه سمن علة لكن on va voir qu'il y a plusieurs autres chaînes de transmission autres que celle d'Ibn Umar. قال وقد روى أبو بكر الآجري من طريقين عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر. انظروا. La chaîne de transmission أبو حازم عن ابن عمر il y a un problème. Comme il a démontré l'imam al-Mundhiri. Il y a une autre chaîne de transmission l'imam al-Ajuri. Il a cité في كتاب الشريعة نافع عن ابن عمر. Et là, شك أن نافع c'est من أثبت الناس عن ابن عمر. Nafi' c'est un des grands élèves d'Ibn Umar, enfin il a entendu Ibn Umar. Donc il faudra regarder que le reste du sanad est-ce qu'il est bon. قال ولكن قال أبو داود أن الإمام أحمد رحمه الله أنكره من حديث أبي حازم عن نافع. Donc انظروا, on a عن نافع عن Ibn Umar, لكن dans la chaîne de transmission, dans une des chaînes de transmission, il y a أبو حازم عن نافع عن Ibn Umar. Le problème vient d'Abu Hazim. كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ورواه الأجري أيضا من طريق الجعيد Ibn Abd al-Rahman, عن نافع, عن Ibn Umar. Dans ce sanad, vous avez remarqué, on n'a plus Abu Hazim. Abu Hazim, imma il n'a pas entendu Ibn Umar, imma dans la chaîne de transmission, عن نافع, il y a un problème. كذلك. On a une autre chaîne de transmission, on n'a plus Abu Hazim. On a Al-Ju'aid, عن نافع, عن Ibn Umar. نافع, عن Ibn Umar, il n'y a pas de problème. Baqiya Al-Ju'aid. قال رضي الله عنه أي ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يكون في آخر الزمن قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوز هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم vous avez remarqué une autre chaîne de transmission ou c'est le même compagnon ابن عمر لكن une autre chaîne de transmission et un lafz qui est semblable قال رواه الطبراني في الصغير من حديث الجعيد به قال في الحاشية وفي إسناده الحكم بن سعد أو بن سعيد الأموي وهو منكر الحديث. لكن dans cette chaîne de transmission, il y a un autre rapporteur qui s'appelle الحكم بن سعيد, il est منكر الحديث. Donc ce hadith il est très faible. قال وقال أبو داود, une autre chaîne de transmission. حدثنا محمد بن كثير. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. Le hadith, c'est une autre chaîne de transmission et c'est un autre sahabi. C'est un autre sahabi, on n'a plus qu'à voir est-ce que c'est le même sahabi. Huna, c'est Hudhayfa radiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. الشيخ الألباني لا ضعف قال وشيعة الدجال أي أولياؤه. نعم الشيعة الأنصار الأولياء. شيعة الدجال أي أنصار الدجال أي إيدي الدجال. لكن الحديث إلى ضعيف. قال ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده فقال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا عمر مولى غفرة من أهل المدينة عن رجل من الأنصار من بني عبد الأشهل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان قوم يقولون لا قدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم فإنهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم به. ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه أو في كتاب السنة عن أبيه عن مؤمل عن عمر مولى غفرة بنحوه قال المنذري عمر مولى غفرة لا يحتج بحديثه ورجل من الأنصار مجهول. donc cette chaîne de transmission il y a deux défauts, deux illa. غفرة هذا il a un problème, قال لا يحتج به. Et كذلك il y a un مجهول. صحيح dans toutes les chaînes de transmission عن رجل من الأنصار. Ça sera un sahabi, il n'y a pas de problème. لأن الصحابي كلهم عدول, on les accepte. لكن هنا الظاهر c'est pas un sahabi. C'est un homme qui est venu après les compagnons et qui a soi-disant on a pris ce hadith de Hudhayfa, لكن on ne sait pas c'est qui, donc on ne peut pas l'accepter. هذا قول المنذري رحمه الله. قال وقد روي من طريق آخر عن حذيفة ولا يثبت. الإمام المنذري إمام كبير في السنة صاحب الترغيب والترهيب يعني ليفغ نفيس الترغيب والترهيب. وقال ابن ماجه في سننه نعم دوك الإمام أبو داود ثم الإمام الحاكم دون المستدرك كذلك الإمام الآجري لغابورتي ثم ينوت طريقة عند أبي داود ثم ينوت طريقة أبو داود الطيالسي. نعم أبو داود الطيالسي سيبا أبو داود لبخصدان. أبو داود لبخصدان كنت يبخصيس با صاحب السنن أي السجستاني. أما هذا سي الطيالسي سي نوت خمام يسون دو أصابل أبو داود واحد إلى السنن وواحد إلى المسند. هنا نوت طريقة عن ابن ماجه قال في السنن رحمه الله حدثنا محمد ابن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. donc حديث ابن عمر ثم حديث حذيفة on a un troisième حديث حديث جابر trois compagnons رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوز هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. vous avez vu ces alfaz صريحة بالهجر. فلهذا الشيخ حمود رحمة الله عليه لا cité ces ahadith. hadith ils sont clairs sur le hajr, لكن vous avez remarqué que la plupart des chaînes de transmission فيها ضعف. il y a des problèmes dans les chaînes de transmission, لكن on rappelle أن الشيخ الألباني لا حسن الحديث بمجموع الطرق. لأن les défauts que tu trouves dans une chaîne de transmission ils ne sont pas dans l'autre. Et ulama ul hadith ils renforcent les chaînes de transmission. Toutes ces chaînes de transmission avec vous avez vu le matn ils se ressemblent, ça montre inshallah ta'ala que le hadith il a un asl. Il a un asl, il est hassan, il est thabit. قال رواه الطبراني في الصغير. donc il est في سنن ابن ماجه كذلك il est في المعجم الصغير de l'imam الطبراني عن عبد الله avec une autre chaîne de transmission عن عبد الله ابن الصقر السكري أو السكري ينظر الضب عن محمد ابن المصفى. ça revient à la chaîne de transmission de l'imam نماجة. نعم قال ابن ماجة محمد ابن المصفى. نعم donc الطبراني sa رواية elle revient à la même, c'est le même hadith. قال ورواه الأجري في كتاب الشريعة عن الفريابي عن محمد بن المصفى. donc les trois ils ont la même طريق ابن ماجة الإمام طبراني الإمام الأجري. وقد أعل هذا الحديث وقد أعل هذا الحديث بأن بقية بن الوليد عنه مع كثرة التدليس. وهذا اللي معروف بقية العلماء إذا accepte pas quand il dit عن Il fait partie de Al-Mudallisin. Donc, c'est une illa. Le hadith, cette chaîne de transmission, elle a un dha'f, elle a une faiblesse. Qala, wa rawa al-ajurri min tariqin an makhoul an Abi Huraira radiyallahu anhu nahwu ou nahwa hadith Jabir ibn Umar radiyallahu anhuma wa u'illa bil-inqita. Al-ajurri, rahmatullah alayh, son livre Sharia, c'est connu. Il est connu, son livre Sharia. Et dans ce livre, il parle beaucoup sur les sectes. Il a un chapitre sur la Qadariya et il a rapporté beaucoup de chaînes de transmission, des hadiths ou des hadars contre Al-Qadariya. Donc cette chaîne de transmission, c'est un autre sahabi, Abu Huraira. Il ressemble au hadith de Jabir et d'Ibn Umar. Et كذلك avant de Hudhayfa. Lakin, u'illa bil-inqita. Et il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Donc, c'est une autre faiblesse. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يسمع مكحول من أبي هريرة رضي الله عنه. السند de l'Ajurri, la chaîne de transmission, مكحول عن أبي هريرة. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه, il a démontré مكحول, il n'a pas entendu de أبو هريرة رضي الله عنه. قال وأجود ما في الباب. نعم هذا كلام ابن القيم رحمه الله. لم يسمع مكحول من أبي هريرة رضي الله عنه. Est-ce qu'on est fi kalam ibn al-qayyim am la? Normalement, il n'a pas mis le marji en bas, c'est de quel livre? Allahu alam, est-ce que ça s'arrête? Ou après, c'est. Ou là, c'est kalam ibn al-qayyim. Léana, Cheikh Hamoud après, qala, qultu. Qultu wa qadrawa. Faroubama, c'est kalam ibn al-qayyim. Il a remis al marji, al muhakkik, ça aurait été tayyib. Qala, rahimahullah, wa ajwad ma fil bab, hadith, haywa ibn shurayh. قال أخبرني أبو الصخر قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام فقال إنه قد بلغني أنه قد أحدث أي ابتدع الحدث هنا البدعة أي il a inventé une chose, il est tombé dans le bid'a. فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه. أي سي il a fait, il est tombé dans le bid'a, qu'il ne me passe pas le salam. هذا هجر. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة أو في أمتي خصف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. هذا الشيخ الألباني لحسن. حيوة أبو صخر il a rapporté de نافع de ابن عمر. Cette chaîne de transmission, لعله سيكلا من القيم, il dit c'est أجود ما في الباب. C'est le hadith le mieux dans contre le qadariya, c'est cette chaîne de transmission. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadha hadithun hasanun sahihun gharib. Qultu hadha kalam Sheikh Hamoud rahmatullah alayh. Wa qad rawahu Ibn Majah fi sunanihi min hadith Haywa ibn Shurayh an Abi Sakhr wa 'indahu bil waw wa fi qawlihi maskhun wa khasfun wa qathfun fa afada anna waw fi riwayat at-Tirmidhi bi ma'na al waw wa laysat lishak. Ça c'est une faida 'azima pour talib al-'ilm. Dans le premier hadith, tu as « ou ». Ça y a « koun » fi hadhi l'umma » ou « fi ummati »« khasfun » ou « maskhun » ou « qathf ». Si tu as que cette riwaya, tu peux comprendre que le « ou » c'est l'échec. « Imma khasf »« imma maskh »« imma qathf » une des trois, pas les trois. Tu as un autre hadith avec la même chaîne de transmission « haywa ». On suit l'autre « haywa »« an abi sakhr »« an nafi'an ibn Omar » c'est la même. وعنده بالواو مسخ وخصف وقذف. Donc le aw dans le premier hadith, la haqiqa c'est bimana waw. Et hada ça arrive dans la langue arabe. Aw bimana waw. Aw tu peux le traduire par ou et waw tu peux le traduire par e. Et en langue arabe, hayan le aw c'est bimana waw. Et c'est pour montrer qu'il y aura toutes ces choses. C'est pas les shak comme aqal. Ça c'est une faïda quand tu rassembles les chaînes de transmission de hadith, tastafid dans le sanad par rapport à la chaîne de transmission, par rapport au dha'f, est-ce que Foulain l'a entendu de Foulain l'a akhiré, et كذلك tastafid du matn. قال ورواه الدارمي في سننه فقال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا حيوى بن شريح قال حدثني ابو الصخر عن نافع عن ابن عمر. La même chaîne de transmission, حيوى ابو الصخر نافع ابن عمر, لكن c'est dans سنن الدارمي. قال أنه جاءه رجل فقال إن فلان يقرأ عليك السلام قال بلغني أنه قد أحدث فإن كان أحدث فلا تقرأ عليه السلام. هذا هجر. ورواه الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا هارون بن معروف حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو الصخر عن نافع La même chaîne de transmission. Sauf que il y a plus Haywa. Vous avez remarqué. Directement Abu Sakhr. Donc Haywa, il a été remplacé par un autre dans cette chaîne de transmission. Ça, c'est la version de l'imam Ahmed. قال بينما نحن عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قعودا أي جلوسا ils étaient assis إذ جاء رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام أو نعم إن فلان يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام أي ils sont venus voir ابن عمر رضي الله عنهما et ils lui ont dit أو cet homme il lui a dit un homme من أهل الشام أي le côté de la Syrie. Il passe le salam à Abdullah ibn Umar. Faqala Abdullah radiyallahu an balaghani annahu ahdatha hadathan. Et on a une faïda azima en a dénoncé al-munharif al-mubtadi' ya aucun mal. Ibn Umar, quand on l'a informé, qal balaghani, ils ont informé anna fulan, il a fait cette bid'a, il est tombé dans le qadr. Ibn Umar radiyallahu anhuma, il n'a pas réprimandé celui qui l'a informé. Bel, on a, il cite son khabar anna, on m'a informé qu'un tel. Donc, hada c'est tayyib. واحد يبغى يكوت الحق سي فريمون منحرف عيفو مونتري خاصه انا اهل العلم ان فلان في الشر حتى اون في اتونسيون قال فان كان كذلك انظروا هنا الورع ابن عمر قال فان كان سي سي فريمون كوم سولا قال فان كان كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي مسخ وقطف وهو في الزندقية والقدرية et هنا c'est bien précisé القدرية et dans l'autre رواية أهل القدر c'est la même chose قال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا أبو عبد الرحمن ابن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الصخر عن نافع. C'est remarqué que le makhraj de هذا الحديث c'est toujours Abu Sakhr. Ama Haywa et dans l'autre version de l'imam Ahmed Haroun عن Abdullah ibn Wahb عن Abdullah ibn Wahb ça revient toujours à Abu Sakhr. Abu Sakhr نافع عن ibn Umar. C'est ça la base du sanad. قال كان ابن عمر رضي الله عنهما صديق من أهل الشام فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه بلغني أنك تكلمت في الشيء من أهل القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر رواه أبو داود في سننه وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة كلاهما عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أبو داود donc il a rapporté ce hadith avec la même chaîne de transmission que l'imam Ahmed. Ça nous montre à Adana, l'imam Ahmed, c'est min mashayikh, l'imam Abu Dawood. قال رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه ومن طريق السري بن خزيمة كلاهما عن عبد الله بن يزيد المقري به ثم قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه أي البخاري ومسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه قال وروى الإمام أحمد والبخاري في التاريخ وأبو داود وعبد الله بن الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه donc dans cette chaîne de transmission Abu Huraira il rapporte de Umar رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالس أهل القدر ولا تفاتحوهم هذه الكلمة ما أدري معناها ولا تفاتحوهم si quelqu'un connaît le معنى وإلا on essaiera de chercher pour la prochaine fois قال في الحاشية ضعفه الإمام الألباني cette رواية عن directement عن عمر elle est ضعيفة لا تجالس أهل القدر قال وروى ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو ينزع من زمزم ينزع الماء il était vers le puits de Zamzam. Il tirait de l'eau. Le bas de son thiyab, de son kamiz, il était mouillé. Et certaines personnes, ils ont parlé fil qadar. Et ils ont innové dans ce sujet, le destin. Ibn Abbas lui a dit, est-ce qu'ils ont vraiment fait cela ? Et c'est un kalam ata. قال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر أولئك شرار هذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم إن رأيت أحدا منهم فقأت أي هذا كلام ابن عباس فقأت عينيه بإصبعي هاتين نعم هذا خرجه الإمام البيهقي donc ça vous avez remarqué c'est la parole d'Ibn Abbas il n'a pas rapporté عن النبي صلى الله عليه وسلم c'est Ibn Abbas qui a fait cette fatwa أنهم vous les visitez pas s'ils sont malades Vous ne faites pas salat sur eux s'ils meurent, il a akhir. Donc, هذا, ça renforce le hadith marfou عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهما من أكابر السلف يهجرون المرجئة ويجانبوهم أي مجانبة هنا c'est comme الهجر. أي il ne les fréquentait pas. روى ذلك عنهم الإمام أحمد وابنه عبد الله في كتاب السنة. Est-ce qu'on a fini les turuq? Non. على كل حال هذا الحديث sur القدرية الشيخ تويجري il l'a cité رحمة الله عليه أولا ça montre عنايته بالحديث il aurait pu citer الحديث فقط et démontrer qu'il a plusieurs turuq et il est ثابت avec toutes les chaînes de transmission لكن علماء السنة يحبون هذا خاصة الذين يعتنون بالحديث ils aiment citer les chaînes de transmission citer les mutun et Et ça c'est طيب on doit prendre l'habitude de هذا on doit prendre l'habitude de هذا لأن فيه فوائد كثيرة tu vas apprendre le nom de certains imams qui sont cités dans les chaînes de transmission كذلك tu vas acquérir des فوائد كثيرة en lisant الأسانيد en lisant les متون et خاصة celui qui a étudié المصطلح حتى يفهم كلام العلماء ça veut dire quoi منقطع Ça veut dire quoi marfou, ça veut dire quoi maqtou, ça veut dire quoi mouqouf ila akhri. Certains mots que Cheikh Hamoud il a cité. Hada c'est tayyib pour talib ul ilm. Wa la ya'tani bi hada illa ahl as-sunnah. Amma adh-dha'i'un min ahl al-bid'ah fa yuz'ijuhum hada jiddan. Le fait de dire hadathana et de lire les chaînes de transmission pour eux il y a pas de fa'ida limada li'annahum sont loin du ilm. Wa illa fa celui qui a assisté aux assises des savants et qui connaît l'importance de هذا العلم فيتلذذ بهذا l'essentiel c'est qu'on a fini les ما يتعلق بالقدرية حتى le prochain cours inshallah on commence vous avez remarqué qu'il a cité hadith النبي صلى الله عليه وسلم ثم الآن il va citer أقوال بعض الأئمة على كل حال نكتفي بهذا القدر on est arrivé à une On est arrivé à وقد كان سعيد بن جبير. On reprendra à partir de là. بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.